La quatrième session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée s'est déroulée le 29 juin au palais des congrès de Mansudae dans la capitale Pyongyang. Y ont participé les députés à l'Assemblée populaire suprême. Les cadres des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères, des établissements centraux, des secteurs de la science, de l'enseignement, de la littérature et des arts, de la santé publique, de la presse écrite et parlée, ont participé comme observateurs. Le respecté camarade Kim Jong-un a fait son apparition sur la tribune d'honneur. Kim Yong-nam, Fang Byung-so, Park Bong-joo, Choi Ryong-hae et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les membres du comité de la défense nationale et du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée se sont présentés sur la tribune d'honneur. Le président et les vice-présidents de l'Assemblée populaire suprême ont pris place de la présidence. Le président Choi Tae-bo a prononcé l'allocution d'ouverture. À l'ordre du jour ont été mis les sujets suivants. 1. De la révision et du complément de la Constitution socialiste de la République populaire démocratique de Corée. 2. De la promotion du respecté camarade Kim Jong-un à la magistrature suprême de la République populaire démocratique de Corée. 3. De la constitution du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. 4. De l'application parfaite de la stratégie quinquennale de développement de l'économie nationale avancée par le Parti du Travail de Corée. 5. De l'organisation du Comité pour la réunification pacifique de la patrie de la République populaire démocratique de Corée. 6. Problème de l'organisation. Les participants ont discuté le premier sujet. Le député Yang Hyung-sop a fait le rapport sur la révision et le complément de la Constitution socialiste. On a adopté la loi de l'Assemblée populaire suprême sur le premier sujet, de la ratification du projet de révision et de complément de la Constitution socialiste de la République populaire démocratique de Corée. Ensuite, le deuxième sujet a été soumis au débat. Le député Kim Yong-nam a prononcé le discours sur l'élection du respecté camarade Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Selon la volonté unanime de tous les députés, des officiers et soldats de l'armée populaire et du peuple, il a proposé respectueusement à l'Assemblée populaire suprême d'élire le camarade Kim Jong-un, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. La proposition d'élire le camarade Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État, poste suprême de la République populaire démocratique de Corée, a joui du soutien et de l'approbation absolue de tous les députés et participants. La session a proclamé solennellement que le camarade Kim Jong-un qui conduit à la victoire l'œuvre révolutionnaire tchétchène entamée au Baekdu sous le drapeau du grand Kim Il-sunisme, Kim Jong-ilisme, est élu président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. On a discuté le troisième sujet. Suivant la proposition du camarade Kim Jong-un, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, les députés Fang Byung-so, Park Bong-joo et Choi Ryong-hae sont élus vice-présidents du Comité des affaires d'État. Les députés Kim Gi-nam, Park Yong-sik, Lee Soo-yong, Lee Man-gon, Kim Yong-chul, Kim Won-hong, Choi Bu-il et Lee Yong-ho sont élus membres. On a discuté le quatrième sujet. Le député Park Bong-joo a fait le rapport sur l'application parfaite de la stratégie quinquennale de développement économique national précisée par le Parti du Travail de Corée. Les intervenants ont dit « La stratégie s'avère scientifique et révolutionnaire car elle permet de marquer un grand essor dans l'édification d'une puissance économique conformément aux exigences légitimes et aux conditions réelles de l'édification de l'économie socialiste. C'est le projet qui indique le moyen le plus pertinent de l'édification d'une puissance socialiste. » Il faut atteindre à tout prix l'objectif de la stratégie avancée par le parti en portant le drapeau de la primauté de la capacité de se renforcer soi-même pour auréoler la glorieuse époque de Kim Jong-un de la victoire exaltante dans l'édification d'une puissance socialiste. On a adopté la loi de l'Assemblée populaire suprême sur le quatrième sujet, de l'application parfaite de la stratégie quinquennale de développement économique national proposée par le Parti du Travail de Corée. La session a adopté la résolution de l'Assemblée populaire suprême sur le cinquième sujet de l'organisation du Comité pour la réunification pacifique de la patrie de la République populaire démocratique de Corée. Les participants ont discuté du problème de l'organisation, sixième sujet. Le président Choi Tae-bo a prononcé l'allocution de clôture.